L'occasion le 17 janvier dernier d'un numéro d'Envoyé spécial consacré au glyphosate a relancé le débat particulièrement vif sur la dangerosité réelle de cet herbicide. Malgré une littérature scientifique abondante, les pratiques condamnables de la firme Monsanto révélées dans les Monsanto Papers empêchent d'avoir une approche raisonnée et d'examiner méthodiquement ce que la science peut dire dans l'état actuel de ses connaissances sur cette molécule et ses adjuvants. Débat rendu d'autant plus complexe par le fait que n'importe quel utilisateur des réseaux sociaux est convaincu de détenir une certitude que des cohortes de scientifiques ont tant de mal à établir. Glyphosate, un débat empoisonné, c'est le programme d'équilibriste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et compte tenu de la nature particulièrement éruptive du sujet, permettez-moi exceptionnellement un rapide propos liminaire. Cette émission n'est pas et n'a pas vocation à être un tribunal médiatique. Il ne sera donc pas question de juger les travaux de tel ou tel consoeur ou confrère qui se sont d'ailleurs largement exprimés sur les critiques qui leur étaient faites. Nous ne reviendrons pas non plus sur l'affaire des Monsanto Papers qui a donné lieu à de nombreuses enquêtes fouillées et exhaustives auxquelles je vous renvoie d'ailleurs, qui mettaient à jour les pratiques condamnable et coupable de la firme et des pratiques qui participent largement d'ailleurs à de lisibilité du débat autour du glyphosate aujourd'hui. Notre ambition est au contraire de revenir donc sur ce qu'atteste la littérature scientifique, d'essayer de démêler les conclusions des différents rapports et de comprendre pourquoi il est aujourd'hui si compliqué de sortir de l'usage massif du glyphosate et ce que pourraient être ces alternatives. Bref, de tenter de réinjecter dans ce débat passionné un soupçon de méthode scientifique, puisque tel est le titre de notre émission. Ceci étant dit, je salue mes deux invités du jour qui ont accepté notre invitation dans ce contexte. Bonjour Robert Barocchi. Bonjour. Vous êtes professeur de biochimie à l'Université Paris-Descartes et directeur de l'unité de recherche INSERM toxicité environnementale, cible thérapeutique, signalisation cellulaire et biomarqueur. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Bourgogne à Dijon avec Xavier Rebout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur dans l'unité agroécologie de l'INRA à Dijon. Messieurs, pour commencer, pour mettre les choses tout à fait au clair et compte tenu de ce contexte, pouvez-vous me dire l'un et l'autre si vous avez des liens d'intérêt avec Monsanto ou Bayer, Robert Barocchi? Non. Xavier Rebout. Je n'en ai pas non plus. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir enfin entamer cette conversation. Pour se replonger quelques années en arrière, pas si lointaine, au début des années 80, quand Monsanto était le sauveur des jardiniers et des agriculteurs, écoutez. Pour nourrir les hommes, Dieu créa les champs, les blés, les vignes, les prairies, et les hommes se mirent à cultiver. Mais le malin qui passait par là inventa les mauvaises herbes, et les hommes se mirent à désherber, désherber, désherber. Un jour, Monsanto créa Roundup. Ce fut providentiel. Et l'on n'entendit plus parler de désherbage. Oui, enfin, jusqu'à ces dernières années. C'est intéressant, Robert Barocchi, Monsanto, c'est Dieu, le message est clair. C'est le Dieu des agriculteurs. Non, mais qu'on cherche des approches scientifiques pour aider les uns et les autres dans leur activité professionnelle difficile et un peu lourde, je dirais sur le principe, moi je n'ai absolument rien contre, ça fait partie de ce que certains à un moment ont appelé le progrès. Simplement, le progrès n'est pas uniquement un progrès de technologie, il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus englobant et que ce soit quelque chose qui soit à la fois bien pour la technologie mais bien pour la santé de l'environnement, la santé humaine, etc. Donc c'est une notion beaucoup plus large du progrès qu'il faut inclure, mais à un moment, effectivement, les gens ont pensé que c'était quelque chose qui allait dans le sens du progrès et de l'avenir. Xavier Rebout, quand on entend cette publicité du début des années 80, ça rappelle aussi que le Roundup, donc, qui était la marque sous laquelle était commercialisé le glyphosate, et pas que le glyphosate, comme on va en reparler dans un instant, ça a été aussi une vraie révolution en chimie pour les agriculteurs, pour les jardiniers. On en utilisait strictement partout. Pourquoi est-ce que ça a été aussi révolutionnaire, ce produit ? Oui, sa notoriété ne s'est pas démentie. En fait, le glyphosate est utilisé à environ 900 000 tonnes de par le monde. Ça, c'est les données des chiffres 2016. Et pour la France, c'est un tiers des herbicides qui sont utilisés. Donc à lui tout seul, il fait presque autant que tous les autres herbicides. En fait, il doit sa notoriété à un certain nombre de propriétés qui le rendent assez unique. La première de ses propriétés, c'est que c'est un herbicide total, c'est-à-dire qu'il va détruire toutes les espèces végétales. qui possèdent tous le même mécanisme que le glyphosate bloc, qui est une voie de synthèse des acides aminés essentiels au fonctionnement de la plante. Et donc cet herbicide total peut être très efficace pour désherber n'importe quelle situation, des dalles, des bords de chemin, des cimetières, mais aussi des jardins d'amateurs et des parcelles agricoles pendant la période d'interculture, donc avant de remettre la culture suivante. On parle précisément d'un herbicide total, systémique et non rémanent. Qu'est-ce que ça signifie, Xavier Reboux? Effectivement, donc vous insistez tout de suite sur les autres propriétés de cette molécule qui la rendent assez unique. Le côté systémique, ça veut dire qu'en fait, le produit va migrer à l'intérieur de la plante en suivant le système transporté par la sève. Et il peut donc aller atteindre des tissus qui ne sont pas facilement accessibles pour l'agriculteur, par exemple les systèmes racinaires. Et ça, ça a fait du glyphosate une des molécules les plus efficaces pour détruire un certain nombre d'espèces que l'on appelle vivaces et donc que l'on ne sait pas facilement détruire autrement. Les bons exemples sont d'espèces vivaces, sont des rumex ou le chardon, par exemple, dont on a du mal à se débarrasser. Le glyphosate sait atteindre les zones profondes de ces plantes et les détruire facilement. L'autre propriété que vous lui avez mentionnée, c'est la question de la rémanence. Alors, on distingue plusieurs rémanences, mais la rémanence de l'effet herbicide est très courte chez le glyphosate, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez traiter le lundi et vous pouvez semer le mardi. Et ce que vous allez semer le mardi ne rencontrera pas, excusez-moi, de molécules glyphosate susceptibles de bloquer sa croissance. Et ça, c'est une propriété qui le rend très facile d'utilisation pour les agriculteurs. C'est cette molécule, hein, je le disais tout à l'heure, le glyphosate a été homologué en 1974 sous brevet. Il faut préciser d'ailleurs, parce qu'on va parler évidemment de Monsanto un petit peu malgré tout dans cette émission, mais il faut préciser que la molécule glyphosate est dans le domaine public depuis les années 2000. Donc Monsanto n'est pas la seule firme Bayer aujourd'hui à exploiter cette molécule, bien au contraire. Ces propriétés-là, c'est la seule molécule à en disposer, Xavier Reboux. Elle faisait beaucoup de différence par rapport aux herbicides qui étaient commercialisés à cette époque, c'est-à-dire à la fin des années 70, début des années 80. De fait, elle n'a pas d'équivalent. Elle vient de manière complémentaire des autres herbicides qui ont été choisis et retenus par leur caractère, un autre caractère intéressant qui est la capacité à les utiliser dans une culture particulière. Par exemple, certains herbicides détruisent très bien les graminées et à ce moment-là, on les utilise dans les cultures de dicotylédone qui vont être insensibles. Et inversement, certains herbicides ont une activité anti-dicotylédone et on va les utiliser dans des cultures de graminées telles que le blé, l'orge ou le seigle. Alors que là, le glyphosate Et donc, voilà, le, est total. Le glyphosate une propriété qui est un peu unique, qui est qu'effectivement, on l'utilise en dehors des périodes de culture et on l'utilise aussi pour entretenir les parcelles de culture pérenne, que ce soit la vigne ou l'arboriculture, pour détruire la végétation au pied des arbres et des ceps de vigne. Il faut préciser, comme je le disais tout à l'heure, que le glyphosate n'est pas la seule molécule utilisée dans ce désherbant commercialisé sous différentes marques aujourd'hui, mais très connu sous le nom de Roundup. Il est utilisé avec des adjuvants, Xavier Reboux. Exact. Donc ça, c'est la situation la plus générale. C'est qu'une molécule, une matière active n'est jamais utilisée seule, mais est utilisée avec tout un panel d'autres molécules qui vont permettre d'augmenter son efficacité ou de faciliter son emploi. Et donc, ça peut être des stabilisateurs, ça peut être des éléments mouillants pour qu'ils se mélangent bien avec l'eau dans laquelle il va être mis pour pouvoir l'utiliser lors des traitements. Et on utilise aussi un certain nombre d'autres molécules qui renforcent les effets. Et il arrive souvent que ces molécules-là potentialisent l'effet et ou aient un effet toxique en tant que tel. Auquel cas, effectivement, il y a une distinction entre l'homologation de la matière active glyphosate en tant que telle et l'homologation d'un produit formulé qui va être évalué sur l'ensemble du cocktail de molécules qu'il contient. Notamment des adjuvants de type tensioactif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça va être intéressant, notamment sur la question de la pénétration de la molécule de glyphosate à l'intérieur d'un certain nombre de cellules? Alors les tensioactifs ont comme propriété de permettre que les molécules s'accrochent à des surfaces et pénètrent à l'intérieur de ces surfaces. Beaucoup de molécules herbicides ont du mal à traverser la surface de la feuille. Et donc, rajouter des tensioactifs, c'est un peu comme rajouter du savon, rajouter des mouillants. C'est un moyen d'aider les molécules à s'accrocher sur ces surfaces et à pénétrer jusqu'à l'endroit où on attend qu'elles aient un effet. Et un dernier mot pour conclure, hein, puisque là on fait un peu le tour pour comprendre les propriétés, la nature de cette molécule que l'on appelle le glyphosate. On a dit que le glyphosate était non rémanent, ça veut dire que très peu de temps après, ce n'est pas tellement la molécule de glyphosate que l'on va retrouver dans les sols ou qui va ensuite qu'on va retrouver dans les cours d'eau qui va se diffuser. Ce sont des composés, en tout cas des dérivés du glyphosate. C'est cela? Alors tout à fait, le glyphosate en fait est une molécule qui est assez stable dans l'eau, mais qui malgré tout est assez facilement dégradée par les activités biologiques du sol. La demi-vie d'une molécule de glyphosate en tant que telle est de l'ordre de quelques semaines, guère plus. En revanche, donc il se dégrade sous forme d'une métabolite secondaire. La plus connue, enfin la plus importante est l'AMPA. Et cette molécule, elle, est relativement stable et on peut la retrouver entre quelques mois... jusqu'à quelques mois dans l'environnement, mais pour autant elle ne s'accumule pas comme d'autres molécules à la surface du sol et elle va donc progressivement se diluer et migrer. Mais du coup on la retrouve assez facilement dans différents compartiments tels que le sol et l'eau. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h12 sur France Culture, nous parlons donc du glyphosate et du débat autour de sa toxicité pour l'être humain, mais pas uniquement. Nous venons de voir donc ce qu'était exactement en termes de chimie et d'agrochimie le glyphosate, quelle était son influence et comment il fonctionnait sur les plantes, comment il se dégradait également. Nous en parlons avec Robert Barouki qui est professeur de biochimie et de toxicologie à l'Université Paris-Descartes et avec Xavier Rebou qui est chercheur dans l'unité agroécologie à l'INRA de Dijon. Alors ceci étant dit, le glyphosate est donc, je m'adresse à vous Robert Barouki, une molécule toxique. Tout le monde est d'accord là-dessus, le glyphosate c'est toxique. Ah, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ah. Ce serait trop facile, vous comprenez. Bon. Donc, en tout cas, Monsanto, quand ils ont mis le glyphosate, ils ont toujours prétendu que c'était la molécule non toxique et qui pouvait être utilisée dans ce cadre-là. Mais il y a un débat extrêmement fort et important là-dessus. En fait, comme beaucoup d'autres substances et molécules, on est souvent pas dans une situation de tout blanc, tout noir, et on est plutôt dans des nuances de gris, et toute la difficulté, c'est d'apprécier ces nuances. Est-ce qu'on est vers le gris foncé ou est-ce qu'on est vers le gris clair? Donc toute l'histoire du glyphosate et le fait que différentes agences ont eu des opinions différentes, on pourra y revenir, bien sûr. Voilà, donc fait qu'en réalité, il y a des arguments pour dire qu'il y a une certaine toxicité liée au glyphosate, et il y a d'autres arguments qui disent... Bon, peut-être que cette toxicité n'est pas si sûre que ça. Donc le débat, il est là, il est présent, il est assez violent. On a pu s'en rendre compte ces dernières semaines. Quand je dis que le glyphosate est toxique, il est en tout cas toxique pour les plantes, ça c'est évident. Ah bah bien sûr, c'est par définition, comme tous les phytosanitaires, enfin beaucoup de phytosanitaires en général, enfin les pesticides ont vocation à être toxiques contre du vivant. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont spécifiques ou pas spécifiques? Et toute la question est là. Et voilà. C'est à ça que je voulais vous amener, c'est-à-dire à la spécificité, à la non-spécificité de la toxicité du glyphosate. Robert Barouki, comment est-ce qu'on évalue la toxicité d'une molécule? On imagine, mais je vais vous laisser répondre à cette question, que quand un industriel comme Monsanto met sur le marché une molécule toxique, spécifique en tout cas pour un type d'organisme vivant, en l'occurrence des plantes, il évalue d'une certaine manière sa toxicité non spécifique, c'est-à-dire sur d'autres espèces. Comment est-ce qu'on évalue cette toxicité? Alors, non, mais il y a un dossier à faire qui inclut toute une série d'expériences qui relate un certain nombre d'expériences qui sont faites pour essayer de vérifier la toxicité sur d'autres organismes, notamment sur, par exemple, sur des organismes mammifères, mais pas uniquement. Il y a beaucoup d'autres organismes sur lesquels, donc en écotoxicologie, on doit aussi vérifier l'inoculation. Donc le dossier est fait, il est transmis, il est analysé et ensuite l'autorisation est donnée après. Et il y a une petite distinction déjà à faire dès le départ entre un dossier qui est fait sur la substance glyphosate et puis la formulation. Donc ça c'est deux choses différentes et c'est pas nécessairement les mêmes agences qui étudient les deux et qui autorisent en tout cas les deux, mais on doit vérifier l'innocuité par toute une série de tests. Alors bon, les tests sont divers est nombreux et en particulier il y a on peut faire des tests sur des animaux pour vérifier l'innocuité et à partir de là en déduire une innocuité chez l'homme. Ça je pense qu'on va y revenir. Il y a différents types de tests, ensuite l'évaluation se fait sur un ensemble. Il y a quelques notions importantes, ce qu'on appelle la DJA, la dose journalière admissible, c'est-à-dire et vous allez les expliquer Robert Baduti, il y a une autre notion qui est la DL50, la dose létale 50. Quelles sont ces notions et comment est-ce qu'elles sont définies? Comment est-ce qu'on y aboutit en toxicologie, Robert Barouki? Bon, alors la DL50, c'est vraiment la toxicologie, je dirais, à l'ancienne. Hein. On va essayer différentes doses d'un toxique sur un organisme donné et donc voir à quelle dose on va tuer la moitié de ces organismes. Et donc on va définir comme ça une DL50. C'est utile, ça sert, mais enfin c'est quand même pas la toxicologie, disons, la plus moderne. Tout ce qui est ensuite des valeurs de référence, la dose journalière admissible, c'est-à-dire la dose journalière qu'on pourrait consommer sans aucun effet, disons, prévisible sur la santé, ça c'est déduit à partir d'études donc qui évaluent l'innocuité et qui évaluent l'innocuité en fonction de la dose. Et si on trouve, c'est évident que quand vous prenez n'importe quelle substance ou beaucoup de substances, à partir d'une certaine dose, vous allez finir par avoir un effet. Souvent, c'est des doses, si la substance est, entre guillemets, de bonne utile, c'est des doses très très fortes. Mais n'importe quelle substance, si vous en mettez beaucoup, vous allez finir par tuer des cellules et tuer des Le sel, par exemple, si on met beaucoup de sel, on finit par tuer quelqu'un. Bien sûr. Non, mais ça, c'est l'histoire classique de la toxicologie. Bon, donc on va donc faire ces études, voir les effets toxiques, souvent à forte dose, et à partir de là, on va faire un certain nombre de calculs en prenant un certain nombre, disons, de facteurs de protection pour dire, au fond, si on consomme moins de, je dis n'importe quoi, un microgramme de tel produit par jour, la dose journalière admissible, au fond, on n'a strictement aucun risque. Et c'est comme ça qu'on définit ces valeurs-là. Xavier Rebout, sur ces questions de dosimétrie, d'évaluation de la toxicologie d'une molécule mise sur le marché? Pas grand chose à rajouter. Robert est sans doute beaucoup plus à même que moi de maîtriser toute cette partie-là. J'avais juste en tête quelques éléments. Effectivement, dans le classement des molécules herbicides, le glyphosate fait plutôt partie des molécules qui ont un bon profil toxicologique. C'est-à-dire qu'il y a nombreux herbicides qui ont des effets à des doses beaucoup plus faibles que celles du glyphosate en tant que tel, ce qui pouvait amener Monsanto à utiliser cet argument. Ça c'est un point important. Après, ce qui est clair, c'est qu'effectivement l'analyse de l'homologation des produits, elle se fait sur le bilan d'un risque d'exposition et d'une dangerosité. Et donc évidemment, c'est ces deux éléments-là qui rentrent en ligne de compte. L'ANSES a l'habitude de dire, par exemple, que dans nos cuisines, nous avons tous du gaz qui est très dangereux, puisqu'on peut se suicider avec, mais qu'en revanche, le fait qu'on ne soit pas exposé à cette molécule en tant que telle fait qu'on peut, au quotidien, avoir du gaz dans les cuisines. Ben, il en va un peu de même pour les produits pesticides, où effectivement, une partie de l'analyse relève plutôt de savoir est-ce que l'on est exposé ou pas. C'est la différence entre le risque et le danger, Robert Barouki, peut-être un mot là-dessus, ça va être important. Non, mais c'est tout à fait fondamental, et c'est d'ailleurs une partie de l'explication des controverses qu'on entend. Donc ça vaut le coup quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. Disons que on peut soit analyser la dangerosité, en anglais on dirait hazard, mais c'est vraiment le danger d'une substance. Et en gros, la question là qu'on se pose, c'est est-ce que cette substance peut donner le cancer? Est-ce qu'elle peut être cancérigène dans l'absolu, en tant que, de manière intrinsèque, est-ce qu'elle a des propriétés qui peuvent la rendre cancérigène? Et pour cela, on s'appuie sur soit des études expérimentales, hein, donc chez l'animal, soit sur des observations. Ça peut être aussi des observations chez l'homme, par exemple, chez des personnes qui utilisent beaucoup cette substance au milieu du travail, par exemple. On va en parler. On va donc faire des études. Et en fait, le but là, c'est de dire, est-ce qu'elle a intrinsèquement une capacité à entraîner le cancer? Ensuite, l'autre approche et le complémentaire, bien sûr, c'est l'étude du risque, c'est-à-dire où on combine à la fois la dangerosité, est-ce que c'est dangereux ou pas, mais aussi l'exposition, combiné à l'exposition. Est-ce qu'on est exposé ou pas? Comme on vient de le dire, quelque chose d'extrêmement dangereux auquel on n'est jamais exposé, peut ne poser aucun problème. En revanche, quelque chose de moyennement dangereux, c'est-à-dire une des propriétés intrinsèques faiblardes, mais présentes. Par contre, avec une diffusion, une exposition très large de la population, peut malgré tout poser un problème et nécessiter une action publique. Donc, il faut vraiment. Donc, on évalue les deux, et les différentes agences d'ailleurs évaluent l'un comme l'autre. Et ça peut expliquer une partie des controverses. Il y avait cette image que je trouve assez parlante pour bien comprendre le distinguo entre danger et risque. Prendre l'avion, les dangers sont très élevés parce qu'en cas d'accident, on a très peu de chances de s'en sortir. Mais de facto, les risques sont très bas puisque rapporté au nombre de vols et de personnes qui prennent l'avion, la probabilité d'avoir un accident est très basse. Voilà, ça c'était pour essayer de synthétiser un peu tout cela. Avant d'arriver justement à cette controverse entre les différentes agences, j'aimerais peut-être vous poser une question qui est que et ça, c'est quelque chose qui est très contre-intuitif et qu'on a un peu de mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on teste ? Est-ce qu'on teste le glyphosate ou est-ce qu'on teste la formule, c'est-à-dire le Roundup en entier ? Puisque, comme on l'a entendu tout à l'heure de la part de Xavier Rebout, il y a des adjuvants dans le glyphosate qui eux-mêmes sont potentiellement toxiques. Donc, est-ce que tester le glyphosate seul, ça n'est pas déjà un biais dans l'évaluation de sa toxicité ? Robert Barouki. Une fois qu'on a... On a donc accepté le glyphosate et qu'il y a eu le dossier donc homologué. Ensuite, vous avez toute une série d'études qui continuent à être faites pour vraiment réévaluer. Et il y a deux grands types d'études pour être sûr. Les études toxicologiques, donc ça c'est expérimental. Les chercheurs dans leur laboratoire vont tester l'effet du glyphosate sur des cellules, sur des organismes et continuer à rechercher. In vivo et in vitro. In vivo ou in vitro. Donc, soit sur des cellules ou autres. Et puis, maintenant, de plus en plus in silico, c'est-à-dire à partir de données informatiques, de modélisation informatique, mais aussi in vivo. Donc, vous faites des expériences et vous essayez de voir ce qui se passe. Mais il y a l'autre approche, du coup, à partir du moment où vous avez commencé à diffuser le glyphosate dans la population, vous faites des approches épidémiologique. Et donc là, c'est des études sur des populations humaines. Ça peut être soit des populations de travailleurs, de gens qui utilisent donc le glyphosate, donc sans doute... Et il y en a eu, on va en reparler. Hein. Plus exposés que d'autres, et on entend les procès là, et ça concerne souvent les travailleurs. Mais aussi de populations générales qui a une exposition, disons, lambda, sachant que la population elle-même utilise aussi pas mal, a utilisé en tout cas pas mal le glyphosate, mais elle peut aussi... être contaminé autrement, dans l'alimentation, l'eau, etc. Enfin, il y a d'autres manières d'être contaminé. Donc, c'est des études épidémiologiques qui peuvent elles-mêmes être sous deux natures. Soit vous prenez des gens qui ont un problème pathologique et vous les comparez à des gens qui n'en ont pas et vous essayez de voir si le glyphosate ou le Roundup peut expliquer l'un comme l'autre. Ou alors vous suivez une cohorte, vous prenez des agriculteurs, vous les suivez sur des années et vous regardez un peu ce qui se passe. Il est évident que, expérimentalement, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire utiliser du glyphosate pur, utiliser du glyphosate en formule ou mélanger à tel ou tel autre pesticide, parce qu'il faut se rappeler que bon, on peut utiliser le glyphosate seul, mais souvent les personnes qui utilisent le glyphosate utilisent beaucoup d'autres choses. Ça, c'est... Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est l'avantage, je dirais, de l'approche expérimentale. Vous dominez un peu ce que vous faites. L'approche épidémiologique, elle a un avantage, c'est qu'on est chez l'homme, donc on voit les effets. En revanche, bah, vous voyez l'exposition telle qu'elle est. Personne n'utilise le glyphosate tout seul et donc on est dans les formulations et parfois différentes formulations du glyphosate. Et en plus, en combinaison avec d'autres expositions telles que des pesticides. Donc, dans ce type de situation, c'est l'ensemble hein, que vous voyez, alors qu'expérimentalement, vous pouvez choisir de voir soit la substance princeps, soit dans sa formule. Xavier Rebout sur ces questions. Oui, concrètement, les deux niveaux coexistent. La molécule glyphosate est réévaluée comme toutes les molécules pesticides régulièrement. Et donc, pour le glyphosate, c'était les Allemands qui étaient porteurs du dossier de réhomologation à l'échelle européenne. Donc, les molécules sont, pour nous en France, sont évaluées pour toute l'Europe. En revanche, les formulations sont évaluées à l'échelle des États, parce que c'est à l'échelle des États qu'elles doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et donc, pour la France, c'est l'ANSES qui est en charge de l'analyse des autorisations de mise sur le marché des différentes formulations du glyphosate, à condition que le glyphosate ait été réhomologué pour une période donnée à l'échelle européenne. Donc actuellement, cette période qui en cours va jusqu'à 2021. Plusieurs dizaines de molécules, de formulations de glyphosate qui demandent à avoir une autorisation de mise sur le marché. Les deux approches, si je peux me permettre, ont un intérêt. Parce que, évidemment, l'exposition, elle est faite, c'est la formulation, hein, on est exposé à l'ensemble. Quand vous utilisez le Roundup, c'est tout ce qu'il y a dans le Roundup qui, auquel vous êtes exposé. En revanche, donc, vous pouvez faire une étude sur le Roundup. Mais si vous trouvez que c'est mauvais, enfin le résultat est mauvais et que c'est potentiellement toxique, ça ne vous dit pas grand-chose sur une autre formulation qui peut être avoir d'autres substances avec le glyphosate. En revanche, si vous faites une étude montrant, par exemple, que le glyphosate peut être toxique dans tel ou tel domaine, là vous touchez la substance et là la conclusion, c'est que c'est l'ensemble des formules qui doit poser problème et être remise un peu en cause. Alors un mot avant d'en venir à ces grandes études, justement des agences sanitaires internationales et notamment de l'agence onusienne qui ont fait susciter beaucoup de débats. J'aimerais tout de même vous entendre, Robert Barouki, sur des preuves expérimentales de la toxicité du glyphosate sur un certain nombre d'organismes, notamment des organismes aquatiques, des batraciens, des espèces aquatiques où il est renseigné. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des effets cancérigènes, mutagènes à tester sur ces organismes-là. On se dit, puisque c'est vrai chez les grenouilles, certains poissons d'eau douce, pourquoi est-ce que ça ne le serait pas chez l'être humain ? Bon, là, vous posez une question. C'est pas parce que c'est vrai dans une espèce que c'est nécessairement vrai dans toutes les autres espèces. Ce sont des, j'allais dire, des cas d'espèces. il faudrait vraiment mieux comprendre en quoi le glyphosate est mutagène ou génotoxique ou ne l'est pas dans certaines espèces. Le mécanisme pour pouvoir savoir si ce qui est vrai dans un cas est nécessairement vrai dans un autre cas et l'autre cas, par exemple, étant chez l'homme, si on se rapporte à l'effet sanitaire chez l'homme. Il y a de très nombreux, si on prend un peu de recul, il y a de très nombreux cas où même des études faites chez les rongeurs, donc qui sont assez proches a priori, même des études faites là ne sont pas reproductible chez l'homme. Donc il faut faire attention. Alors parfois on peut le prévoir, parfois on sait pas très très bien pourquoi, mais ce sont des cas d'espèce, il faut vraiment voir les choses les unes après les autres. On peut pas nécessairement immédiatement conclure, sauf si on a une bonne idée du mécanisme et du caractère très intrinsèque de ce qu'on appelle la génotoxicité ou la mutagénicité du glyphosate. Là, on peut peut-être tirer des conclusions un tout petit peu plus larges. Mais sinon, ça reste quand même un peu assez difficile. Alors, venons-en à l'espèce humaine et à la cancérogénicité, puisque c'est cela qui fait débat. Pour reposer, alors grossièrement, et je vais vous laisser l'un et l'autre compléter cette présentation, les termes de ce débat, il y a une agence de l'ONU qui s'appelle le CIRC, le Centre International de Recherche contre le Cancer, qui a classé en 2015, le glyphosate comme cancérogène probable, donc sur une liste qui s'appelle la liste 2A, sachant que sur cette liste 2A, on trouve aussi en cancérogène probable les ultraviolets, l'huile de friture ou la viande rouge, et qu'il y a une autre liste, qui est la liste 1 des cancérogènes à tester, où l'on trouve des produits aussi divers que l'amiante, le plutonium, l'alcool ou la viande transformée comme la charcuterie. Le CIRC a donc classé le glyphosate comme cancérogène probable, là où les autres agences internationales ne font pas, n'établissent pas de lien entre le glyphosate et la cancérogénicité. Pourquoi cette agence de l'ONU aboutit à ces conclusions-là, Robert Barouki, alors que les agences nationales, comme l'agence européenne, toutes les agences canadiennes, etc., disent qu'il n'y a pas de lien entre glyphosate et cancer? L'objectif premier du CIRC, c'est de déterminer la dangerosité d'une molécule. Ça, c'est son objectif. Donc, on est plutôt dans une étude danger que dans une étude risque. Pour cela, ils prennent toute une série d'observations dans la littérature, des observations expérimentales, où on peut surtout d'ailleurs voir le danger, et des observations épidémiologiques, et notamment chez des travailleurs, des personnes très exposées aux pesticides en général et aux glyphosates en particulier. Donc, ils tiennent compte de cet ensemble de littérature scientifique dans leur évaluation. Ça, c'est le premier point, et je reviendrai sur les autres. Le deuxième point que fait le CIRC, c'est qu'il ne s'appuie que sur une littérature scientifique publiée, donc qui a été évaluée par des pairs, et ne s'appuie, ou très peu, enfin, il peut s'appuyer sur des données provenant des industriels, mais assez peu, et en tout cas en deuxième ligne, il donne un poids beaucoup plus important à la littérature scientifique, disons, qui est publiée au niveau international. Les autres agences s'intéressent souvent beaucoup plus aux risques que au danger en tant que tel. Évidemment, dans risque, il y a danger. Mais il y a aussi exposition. Et une agence comme l'EFSA va s'intéresser... L'agence européenne. Hein. L'agence européenne, voilà. Elle va s'intéresser à l'exposition, notamment par voie alimentaire. Et la réponse que eux doivent donner, c'est est-ce que l'exposition telle qu'on la connaît et le danger tel qu'on le connaît et avec les doses qu'on connaît comme étant potentiellement dangereuses, est-ce que les deux mélangés ensemble font que la population est à risque de cancer lié au glyphosate ou pas? Donc c'est ça la réponse qu'ils essaient de donner. Et eux s'appuient évidemment sur la littérature scientifique, mais ils s'appuient aussi sur beaucoup de données que l'industriel va leur donner, et donc ils donnent un certain poids à ces données. Et donc ce qui a été reproché aux agences sanitaires, c'est de dire qu'ils se fondaient beaucoup sur ce qu'on appelle du ghostwriting, c'est-à-dire qu'ils faisaient des copier-coller d'études qui étaient fournies par Monsanto. Non mais ça c'est non et disons ils se fondent sur les données données évidemment de Monsanto. Le ghostwriting, ça c'est une autre histoire et je pense qu'on va pas la discuter ici. Ça c'est pas finalement regarder les données que fournit Monsanto, c'est Monsanto ou d'autres industriels. Ça fait partie de ce qu'ils font habituellement. Beaucoup des premières données, en fait, sont générées par par l'industriel lui-même. C'est une question plus large qu'on devrait d'ailleurs discuter un jour. Mais enfin, vraiment, c'est vraiment une question large sur laquelle on devrait revenir. Mais en tout cas, vous savez, le corpus scientifique sur lequel travaillent ces types d'agences n'est pas tout à fait le même. Il est chevauchant, mais il n'est pas absolument identique. La réponse qu'ils donnent n'est pas tout à fait le même. Dans un cas, est-ce que c'est dangereux en tant que tel? Et est-ce que je le classe comme cancérigène fondé sur ces dangers? Et dans l'autre cas, est-ce que la population est à risque vu ce qu'on sait sur le danger et l'exposition? Donc on n'est pas tout à fait dans le même type d'analyse. Et ensuite, il y a toute une série d'autres difficultés ou de controverses entre les agences. Par exemple, certaines études qui ont été prises en compte par une agence, les études chez l'animal, chez le rongeur, elles ont été prises en compte par le cirque et qui, cette étude en particulier, montrait qu'il y avait une augmentation de certains cancers suite au traitement par le glyphosate. Eh bien, l'autre n'en a pas tenu compte parce qu'ils ont estimé que la qualité de l'étude n'était pas assez bonne, les souris étaient infectées par autre chose. Enfin bon, donc il y a une divergence aussi sur le type d'étude qui a été pris en compte. Et dans ce type d'évaluation, il suffit parfois de prendre en compte une étude épidémiologique ou expérimentale ou ne pas la prendre pour que la balance finisse par pencher de l'autre. Alors pourquoi ? Là, on entre dans plus de questions. Ça, on peut dire qu'il y a des bases scientifiques pour prendre en compte telle étude ou pas. Il y en a, certainement. Et la controverse, elle est là. Elle est dans la littérature. Voilà, vous trouvez dans la littérature la controverse. Les gens disent, vous devez prendre, non, je ne dois pas prendre, etc. Et puis, il y a peut-être d'autres disent que non, il y a d'autres raisons pour lesquelles ils n'ont pas pris. Enfin bon, là, en tout cas, c'est là que la discussion se fait. Des raisons d'influence, notamment, lobbying. Par exemple, mais bon. Xavier Reboux, sur cette compréhension, finalement, on entend aussi beaucoup dire, mais le cirque est la seule agence qui classe le glyphosate comme cancérigène probable, là où toutes les autres agences de santé disent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques suffisantes pour établir la cancérogénicité du glyphosate. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a une majorité d'agences sanitaires internationales qui disent non, le cirque, finalement, il faut balayer ce rapport-là. Il ne fait pas le poids par rapport à la quantité d'autres rapports. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Bon, c'est la position qu'ont pris un certain nombre de pays européens, qui est d'évincer les conclusions du cirque. En fait, moi, je reviendrai volontiers sur le fait que dans la majorité des cas, les agences sont d'accord pour classer des molécules de la même manière. Et donc, il y a une forme de consensus dès que les effets des molécules sont avérés et majeurs, que l'on regarde l'exposition, la dangerosité. Dans les deux cas, les agences, avec des registres un peu différents d'analyse et des objectifs d'études un peu différents, sont majoritairement d'accord pour classer les molécules comme étant dangereuses ou enfin comme devant être retirées du marché ou comme étant a priori sans risque. Là, on est en train de travailler en fait sur l'exception. C'est ça qu'on regarde avec le glyphosate. Et donc le fait même qu'il n'y ait pas consensus entre les scientifiques souligne bien le fait que la difficulté qu'ont les scientifiques à montrer des effets forts du glyphosate. Et après, évidemment, ce qui rend l'affaire importante, c'est la question de l'exposition. Et donc on comprend que regarder l'exception en tant que telle ne devrait pas susciter autant de bruit, mais le fait même que l'exception se fasse sur la molécule qui est la plus utilisée au monde amène à ce que cette question soit d'importance. Robert Baroucki, alors pour entrouvrir, parce qu'en une heure, on n'a évidemment pas le temps de rentrer dans tous les termes de ce débat, mais pour entrouvrir la porte des Monsanto Papers, il montre tout de même quelque chose qui est perturbant, qui est une extrême crainte de la publication du rapport du CIRC. On voit que Monsanto avait peur, quand on lit les Monsanto Papers, de ce rapport du CIRC en disant il faut l'éviter, il faut organiser un contre-feu, etc. etc. C'est donc qu'il faut redonner de la valeur à ce rapport du CIRC par rapport à celui des agences de santé, ou comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais écoutez, la difficulté dans ce domaine d'établir des preuves fait qu'il est très présomptueux de dire non, je n'accorde aucune valeur à tel rapport. Il faut vraiment regarder tous ces rapports avec beaucoup de respect et beaucoup de prudence. C'est vrai, ce qu'a dit Xavier, souvent les agences sont d'accord entre elles et trouvent et classent les produits à peu près de la même manière, mais il faut reconnaître qu'on est il y a des domaines où l'incertitude est beaucoup plus grande. Bon, c'est le cas du glyphosate, mais on y accorde une importance plus grande aussi parce que l'exposition est si importante, l'utilisation est si large que on se dit même s'il y a un effet relativement modeste, eh bien il faut quand même faire attention parce que ça touche une population extrêmement. Ça touche tout le monde, il y en a partout, on en a. Oui, mais comme beaucoup de produits, il ne faut pas d'illusions, hein, ouais. La plupart, le corps humain va intégrer toute une série de choses qui nous entourent et il suffit simplement d'avoir la bonne technique analytique de dosage pour trouver qu'il y en a voilà un peu toute la question c'est est-ce qu'il y en a beaucoup un peu est-ce qu'il y en a suffisamment pour produire un effet délétère. Et donc toute la difficulté c'est pour nous d'arriver à établir ces valeurs de référence dites toxicologiques et sur quel test les établir puisqu'il n'y a pas nécessairement d'accord entre les différentes agences sur quel test les établir pour calculer une valeur et à partir de cette valeur, déduire pour l'homme quelque chose qui soit à peu près sûr. Donc non, il faut certainement pas. Le document du CIRC est très important. Il donne une interprétation d'un certain nombre d'études épidémiologiques et d'études expérimentales dans le sens d'un effet toxique. Et à ce titre, on doit y faire extrêmement attention et on doit définir en gros qu'est-ce qui manque pour qu'on aille un tout petit peu plus loin et qu'on soit un peu rassuré sur ce plan-là. Et on doit refaire une analyse extrêmement fouillée, je dirais, à nouveau de la littérature. C'est ce qui est fait actuellement à l'INSERM. Il y a une expertise à l'INSERM qui reprend toute la littérature, sur d'ailleurs beaucoup de pesticides, pas uniquement le glyphosate, mais en particulier le glyphosate, pour que ce comité créé par l'INSERM puisse dire, au fond, au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, on pense que ça penche de tel côté ou de telle autre. Ce ne sera pas l'équivalent de la décision du CIRC ou de l'EFSA ou de l'ECA. Hein. Ce sera une analyse beaucoup plus scientifique et de la littérature scientifique en disant est-ce que les arguments de génotoxicité sont de quel niveau ? Est-ce que ça a été dans un sens où on a de plus en plus de craintes là-dessus ? Ou est-ce qu'il y a d'autres effets, d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre ? Donc on est en train de le faire. Donc c'est pourquoi je ne peux pas là vous donner de résultats particuliers. Mais c'est difficile, il faut absolument tenir compte de l'ensemble des résultats. Et la publication est prévue pour l'automne. Hein, oui, la publication est prévue pour l'automne. Alors on va rajouter une autre étude qui là est, comme vous le disiez tout à l'heure, une étude particulièrement éclairante parce que c'est une étude épidémiologique de l'American Health Study, l'AHS, qui fait beaucoup de bruit dans le sens inverse de celle du CIRC, puisque c'est une étude qui porte sur une cohorte d'agriculteurs américains de l'Iowa et de Caroline du Nord, 54 000 personnes suivies pendant 20 ans et qui arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'augmentation d'occurrence de cancer sur ces populations qui sont pourtant particulièrement exposées à l'usage du Roundup. Alors justement, sur une étude qu'on voit aussi vaste, 20 ans en même temps pour développer des cancers, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être un des biais de cette étude, mais est-ce que ça n'est pas une étude par la preuve, science-based, je veux dire, qui pourrait arriver à la conclusion d'une non-nocivité, non plus seulement du glyphosate, mais en tout cas de la formule ? Actuellement, dans ce genre d'analyse, quand on étudie les effets des pesticides ou d'autres substances chimiques, il est très difficile de se baser sur une seule étude. Chaque étude a ses avantages, elle a ses points faibles, elle a ses biais, hein, quelquefois on les voit. Évidemment, une étude de cohorte est une étude intéressante parce qu'il y a la notion temporelle et donc cette étude doit être prise en compte et effectivement, elle ne semble pas indiquer des effets cancérigènes du glyphosate. Mais il faut bien se rendre compte que ces agriculteurs n'ont pas été exposés qu'à du glyphosate, ils ont été exposés à tout un ensemble, un cocktail chimique donc les pesticides, mais sans doute bien d'autres. Et il faut avoir une analyse en fait beaucoup plus globale. Parfois, des analyses plus fines font que on peut trouver des corrélations ou passer à côté de corrélations. Actuellement, ce qui est fait, c'est justement l'intérêt des expertises, c'est de reprendre un ensemble d'études, de voir dans quel sens ça va et essayer d'en tirer une conclusion. Ça ne veut pas dire que toutes les études doivent aller dans le même sens pour qu'on tire une conclusion. Il est possible que des études faites de manière différente, dans un contexte différent, donnent des résultats différents, et ça n'empêche que il faut quand même tenir compte de l'étude, par exemple, qui a montré un effet toxique. Mais ça nécessite vraiment une analyse de fond qui ne peut pas se faire comme ça, et seul un vrai comité d'experts peut y aller. Xavier Rebout. Juste pour souligner qu'effectivement l'analyse de cohorte est une approche scientifique qui est très puissante et qu'elle a le mérite de traiter de situations en vraie grandeur. Et comme l'a bien souligné Robert, en fait la difficulté c'est la capacité qu'on a à extraire un effet propre du glyphosate par rapport à beaucoup d'autres effets qui sont susceptibles d'amener un bruit et ou des effets confondants. Ce qui fait que il est souvent nécessaire effectivement de rentrer beaucoup plus à fond dans une analyse de ces cohortes et évidemment de remonter le plus possible à l'ensemble des expositions auxquelles les gens ont été soumis par leur alimentation, par l'air qu'ils ont respiré et évidemment par leur activité professionnelle en cas d'agriculteur. Un dernier mot sur ces questions, parce que je pense que c'est quelque chose qui marque aussi beaucoup l'opinion publique et qui est souvent assez mal compris, ce sont les décisions de justice. La justice sanctionne. Elle a sanctionné en France, aux États-Unis. Il y a eu ce cas très médiatique, hein, Dwayne Johnson, cet agriculteur atteint d'une tumeur en phase terminale. Si la décision de justice, elle est basée sur de la littérature scientifique, c'est donc que la justice tranche à sa manière, apporte de l'eau au moulin de cette difficile décision qui est celle des scientifiques aujourd'hui, Robert Barouki. Je ne dirais pas que la justice apporte de l'eau au moulin de l'analyse scientifique. C'est doit être dans l'autre sens. Hein. C'est vraiment dans l'autre sens. Mais néanmoins, elle tranche. C'est-à-dire que elle a tranché en fonction des connaissances scientifiques et de tas d'autres considérants. Hein. Je veux dire, le juge n'a pas uniquement à tenir compte de l'analyse. Il doit prendre en compte toute une série de considérants. Est-ce que l'information était là? Il y a autre chose que simplement l'analyse toxicologique du glyphosate ou du Roundup qui fait que le juge a donné raison, mais il y a aussi ça. Donc c'est très bien, la justice, elle a tenu compte d'un certain nombre d'éléments scientifiques, ça aurait pu aller dans l'autre sens. Pour nous, en tant que scientifiques, ça ne change pas réellement grand-chose au besoin qu'on a d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse extrêmement fouillée des données et dans la détermination de qu'est-ce qui manque encore pour qu'on tranche d'une manière un tout petit peu plus confiante dans cette controverse du glyphosate. Alors si tout le monde s'accorde, en tout cas peu ou prou, à la nécessité de sortir des pesticides en règle générale et du glyphosate en particulier, la partie est loin d'être gagnée, notamment parce que l'alternative au glyphosate, eh bien, c'est compliqué à trouver. Le président Emmanuel Macron vient tout juste de dire qu'une sortie complète du glyphosate fin 2020 n'est pas faisable, qu'elle tuerait notre agriculture. Alors du côté des alternatives, eh bien, nous sommes allés jeter un œil. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans des vergers de l'unité expérimentale horticole du site INRA d'Angers qui s'engage dans la démarche d'arrêt d'utilisation du glyphosate. Oui, depuis plusieurs années, l'unité est dans un processus d'abandon définitif du glyphosate d'ici 2020. Alors les tests en cours se font sur un domaine de 50 hectares de pommiers et de poiriers. J'ai retrouvé Arnaud Lemarquant qui dirige le site. Il m'a expliqué que concrètement, il s'agit d'un retour à des procédés mécaniques. C'est-à-dire que le désherbage se fait à la machine, mais cela apporte des problèmes nouveaux à la fois sur le potentiel de production et aussi sur l'empreinte carbone liée au fioul des tracteurs. En fait, un verger, c'est deux tiers d'herbe et un tiers qui est désherbé, là où en fait il y a les arbres fruitiers. Si nous désherbons, c'est pour éviter la concurrence entre ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, parfois à tort, et les arbres eux-mêmes. Donc il y a une concurrence pour l'eau et les éléments minéraux. Alors le plus simple, historiquement, c'est d'utiliser des produits herbicides. C'est très facile d'usage, c'est pas très cher. Et il y a quelques années, on a fait le constat que c'est un produit qu'on mettait directement au sol. Donc il y a une partie du produit herbicide qui est interceptée par les mauvaises herbes, ce qui est très bien. Puis il y a également une partie qui va forcément directement sur le sol. Et ça nous posait problème. Du coup, depuis quelques années, on a décidé d'essayer de trouver des alternatives à ce désherbage chimique. Et en particulier, on s'est orienté vers le désherbage mécanique. Concrètement, en quoi ça consiste ? C'est des abages mécaniques, c'est-à-dire que c'est des abages à la main avec des robots. Comment ça se passe ? Alors, à la main, c'est complètement impossible quand on a 50 hectares de verger. Donc, c'est un retour à la machine. Ce sont des machines qu'on met à l'avant des tracteurs. Celui pour lequel on a opté, ce sont des fraises qui viennent gratter le sol et en fait qui déchaussent les mauvaises herbes, qui sortent les racines. Et du coup, les mauvaises herbes ne sont plus alimentées par le sol et vont sécher au soleil. Quel bilan avez-vous pu tirer de ces expérimentations, de ce retour à des procédés mécaniques ? Est-ce qu'on peut produire mieux, forcément moins, mais est-ce que ça ne s'inscrit pas aussi dans une logique plus globale du rapport de production et demande ? D'abord, il y a des questions économiques. Quand on désherbe chimiquement, globalement, on passe 2 à 3 fois par an mettre du produit herbicide et le tracteur avance assez vite dans les rangs. Il faut aussi imaginer qu'il y a un chauffeur et les tracteurs roulent à 6 km/h, ce qui peut paraître pas très important, mais c'est une vitesse raisonnable. Quand on désherbe mécaniquement, il faut prendre le temps de gratter le sol avec nos fameuses machines. Et là, le tracteur avance à 1 km/h et on doit passer entre 3 et 5 fois par an. Ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui va passer beaucoup plus de temps sur le tracteur. Pour... On dépense plus de carburant. Voilà, alors ça c'est une des questions qu'on se pose, c'est le bilan carbone de cette opération. Moi je ne sais pas le faire, mais quelque part il y a plus de temps de tracteur qu'avec du désherbage chimique. Après le désherbage est moins efficace. Bon, ça c'est pas très gênant, on cherche pas à avoir des rangs rigoureusement propres, on cherche juste à avoir des rangs légèrement dépourvus de mauvaises herbes pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de concurrence. Et est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs justement pour essayer d'améliorer, ajuster les méthodes sur des paramètres particuliers ? Travailler avec les agriculteurs, on échange beaucoup avec eux. Au niveau technique, de plus en plus de solutions sont offertes, des herbages thermiques, des abeilles de l'eau bouillante, des flammes aussi, pour essayer de trouver la solution la plus adaptée. Comme tout agriculteur un peu raisonnable et raisonné, on se pose la question de limiter notre impact environnemental. Est-ce qu'on pourrait aller voir justement dans le verger comment ça se passe ? Là, on est au mois de février. Au niveau du calendrier, on est où là ? Alors, c'est la fin de l'hiver bientôt. Donc, la végétation va bientôt commencer à reprendre. Et vous allez pouvoir avoir des rangs qui ont été désherbés à l'automne. Le domaine d'expérimentation fait une 40aine d'hectares. Alors le domaine, en fait, nous avons 2 sites de 50 hectares chacun. Et sur chacun des sites, on a 25 hectares de vergers. Alors, est-ce que notre machine à désherber... En fait, là, c'est notre hangar à matériel. On a 2 machines à désherber, mais comme nous sommes 2 sur 2 sites, la machine circule entre les 2 sites. Alors, si vous voulez qu'on aille voir un verger, on va aller... Et donc, le désherbage se fait 3 fois par an ? Ici. Globalement, oui, on est amené à passer 3 fois un herbicide chimique parce qu'en fait, les rangs des vergers sont irrigués pour favoriser la nutrition hydrique des arbres fruitiers, ce qui est très favorable à la pousse des mauvaises herbes qui s'installent. Et qui génère cette fameuse compétition. Voilà. Notre directeur général de l'INRA, Philippe Mauguin, a décidé qu'à l'INRA, on arrêterait le glyphosate un petit peu avant tout le monde. Donc on arrête fin 2020 le glyphosate. Et donc, il faudra vraiment qu'on trouve une alternative. Ouais, c'est-à-dire que là, vous avez à peine 1 an pour vous préparer à l'abandon définitif. Oui, alors nous, on a anticipé. Ça fait déjà 7-8 ans qu'on est passé au mécanique. Alors, soit au mécanique complet dans nos essais bio, soit au mécanique plus chimique dans les essais classiques. On n'a plus qu'un an pour faire partout mécaniquement. Donc là, vous êtes devant un verger. On peut s'arrêter ici. Donc, vous voyez clairement qu'il y a tout l'espace entre les 2 rangs de pommiers qui est occupé par de l'herbe, parce que là c'est plutôt au niveau écologique, c'est très intéressant d'avoir cette bande enherbée, ça limite l'érosion du sol, c'est un réservoir pour les auxiliaires qui nous aident dans la gestion des bioagresseurs du verger. Les auxiliaires, c'est-à-dire les... C'est les insectes qui mangent d'autres insectes, par exemple les punaises ou les coccinelles se réfugient dans cette strate herbacée et vont passer sur les arbres après boulotter du puceron, donc nous on adore cette façon de faire. En revanche, vous voyez qu'au pied des arbres, on a désherbé. Alors, c'est pas super propre, et le but, c'est pas que ce soit super propre. Mais on voit bien qu'il n'y a pas la même concurrence au pied des arbres qu'on peut avoir au niveau dans l'interrang. Donc là, c'est une partie qui a été désherbée chimiquement, typiquement. Mais il y a des endroits où on gratte le sol pour désherber mécaniquement. Dans l'état actuel des choses, on panache les deux. Alors, on a des vergers conduits en agriculture biologique, où là, on ne fait que du désherbage mécanique. Et puis, on a des vergers qui sont conduits selon la charte de la production fruitière intégrée. Où là, on désherbe à la fois mécaniquement et chimiquement, on panache les deux. Le but étant de réduire le chimique sans passer trop de temps sur le tracteur. Voilà le reportage du jour sur l'une des recherches pour ce qui est des alternatives au glyphosate. Et évidemment, quand je disais tout à l'heure que tout le monde s'accordait sur la nécessité de sortir des pesticides, c'est en tout cas de sortir de l'usage massif et intensif qui en est fait depuis les années 70, puisqu'il faut préciser sur ce type d'émission la moindre virgule et ne laisser surtout aucun sous-texte, c'est ce qu'on essaie de faire. Xavier Rebout, votre réaction à ce reportage ? Je pense qu'il est très illustratif de beaucoup de situations rencontrées par les agriculteurs. D'abord, des agriculteurs en agriculture biologique se passent effectivement du glyphosate. Et quant aux agriculteurs en agriculture conventionnelle qui ont le droit d'utiliser le glyphosate, eh bien beaucoup d'entre eux l'utilisent de manière réduite ou pas du tout, ou dans des conditions de rattrapage particulières. Donc, en gros, on peut dire que actuellement en France, une frange importante des agriculteurs n'a pas recours au glyphosate. Ce que l'on voit très bien aussi dans ce reportage, c'est que la flore adventice que l'on détruit avec le glyphosate peut avoir des propriétés intéressantes. Elle peut entretenir la biodiversité, dans l'exemple donné par Arnaud Lemarquant, la présence d'insectes auxiliaires favorables car susceptibles de contrôler les populations de pucerons. Ces flores présentes dans les parcelles sont aussi réservoirs de maladies et donc tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et donc la question effectivement est sur les critères d'optimisation et la performance globale des systèmes que les agriculteurs arrivent à mettre en place. On a bien vu dans son exposé que l'alternative à l'utilisation d'un herbicide pour contrôler un couvert végétal consistait à réutiliser un désherbage mécanique. Il y a d'autres pistes possibles, telles que choisir le couvert végétal que l'on veut mettre en place et ou demander au gel hivernal de faire le travail de désherbage en choisissant un couvert qui va geler avec pendant l'hiver. Et donc ces pistes-là sont évidemment très travaillées car susceptibles de générer des nouveaux leviers pour les agriculteurs. Le point principal sur lequel Arnaud revient bien, c'est la question du délai de travail avec le glyphosate, donc avec un désherbage chimique, versus ce que ça va prendre de le faire avec un travail mécanique. Et l'autre élément, évidemment, est du coup le surcoût engendré par la nécessité d'utiliser des tracteurs, des outils qui eux-mêmes vont du coup utiliser de l'énergie fossile. Et donc ce que l'on peut gagner d'un côté en évitant l'herbicide, on peut en partie ou même en totalité le perdre de l'autre selon le choix de l'alternative qui a été retenue. Sans compter évidemment le surcoût en carburant pour l'agriculteur, mais c'est un vaste débat sortir des pesticides que nous avions eu autour de cette table. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, mais il est déjà 16h53 et comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main, donc une jeune doctorante en l'occurrence, qui vient nous présenter ses travaux de recherche tous les mercredis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Muriel Hémig. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse en écologie végétale en collaboration entre SNCF Réseau et le laboratoire d'agrophysiologie de l'école d'ingénieurs de Purpan. Le titre de votre thèse, maîtrise de la végétation dans un environnement ferroviaire, ensemencement choisi des voies de service et pistes en alternative à l'utilisation du glyphosate, car oui, la SNCF est un des gros utilisateurs de glyphosate pour les voies en France. C'est à vous, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, imaginez-vous dans votre jardin. Donc, pour entretenir votre pelouse, vous utilisez probablement des moyens mécaniques comme une tondeuse et pour votre haie, un tailleux-haie. Et pour empêcher le développement de la végétation, par exemple dans les allées, comment vous faites ? Alors, il y a une des solutions, c'est d'arracher les plantes dès qu'elles poussent, dès leur développement. Mais c'est compliqué. En écologie, on parle du postulat que la nature a horreur du vide. Chez SNCF Réseau, la problématique est à peu près la même que dans votre jardin. Les abords que vous voyez par la fenêtre de votre train sont entretenus par des moyens mécaniques. Donc, tant que la végétation est entretenue, elle n'est pas problématique, elle est acceptée et même souhaitée pour empêcher l'érosion des talus. Le problème, c'est que la végétation sur les voies peut créer, peut masquer les éléments de la voie et peut créer notamment des chutes de plein pied. Donc c'est pour ça qu'il y a un standard au sein de l'entreprise, un standard interne, qui impose l'absence de végétation sur les voies. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de faire comme dans votre jardin et d'arracher chaque plante qui pousse sur les 35 000 km de voies du réseau. Et c'est pourquoi les produits sanitaires sont les moyens actuellement les plus efficients et qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi efficients pour empêcher la végétation de pousser. Dans son objectif de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, l'entreprise s'est engagée il y a quelques années dans le programme Post-Glyphosate. C'est un programme qui encourage les expérimentations n'utilisant pas de produits chimiques pour la maîtrise de la végétation des voies et des abords. Et dans ce cadre, il y a une des expérimentations qui fait partie de ma thèse. Donc mon travail s'intéresse aux voies qui ont le plus de problèmes avec la végétation, les voies de service. Donc celles-ci représentent 12 000 km de voies sur toute la France et c'est celles qui sont utilisées pour la circulation fret et le garage des trains, donc les trains travaux et les trains de voyageurs. Donc elles ne sont pas empruntées pour de la circulation voyageurs. Leur maintenance n'est donc pas prioritaire. Donc l'entretien de la végétation est réalisé uniquement par des moyens chimiques et le ballast, la couverture naturelle anti-végétation, a presque disparu de ces voies. Donc une fois que le traitement herbicide est réalisé, une fois par an, le sol est nu et des espèces végétales pionnières peuvent recoloniser les voies. Et comme la nature a horreur du vide, la majorité de ces espèces pionnières qu'on retrouve sur nos voies sont pour la plupart des espèces considérées comme exotiques envahissantes. Elles sont aussi indésirables pour l'entreprise à cause de leur hauteur ou de leur caractère rampant. Et du coup, l'objectif principal de ma thèse est donc de mettre au point un ou plusieurs mélanges d'espèces végétales qui sont adaptés aux contraintes du milieu, comme la nature du sol et le climat, et aux contraintes de l'entreprise, comme une faible hauteur ou une résistance au piétinement. Et il va donc s'agir de substituer la communauté végétale en place par une autre, avec des espèces choisies qui doivent donc avoir une forte capacité de compétition. Pour les espèces choisies, inutile d'aller chercher à l'autre bout de la planète. Il y a beaucoup d'espèces en France qui sont capables de répondre aux critères, comme la pâquerette ou le trèfle. Pour tester les premiers mélanges, la SNCF, on a mis à ma disposition un faisceau de voies donc de 2,5 hectares, ce qui représente presque 4 stades de foot. Mm-hmm. Ce faisceau de voies se situe au niveau du triage de Villeneuve-Saint-Georges, au sud de Paris, et c'est le plus grand triage d'Europe. Ce premier site sera préparé et ensemencé dans les prochaines semaines, donc avec des semis d'ici courant avril. Sur ce site, l'objectif est double, avec tout d'abord des essais analytiques pour faire varier des modalités comme les espèces semées, la préparation du sol, la densité de semis ou les techniques d'entretien. Et en parallèle, il y aura aussi des sites de démonstration où on pourra analyser plus précisément le comportement général du couvert. Donc l'objectif est de comprendre la dynamique et la composition fonctionnelle des communautés afin de pouvoir prédire quelles espèces ou mélanges seront les plus appropriés dans une situation donnée. Par la suite, il y aura d'autres expérimentations qui vont avoir lieu sur voie de service, mais aussi sur les pistes. Donc la piste, c'est la zone de cheminement au niveau entre les voies et les abords. Et elle est composée de sable. On peut la voir depuis la vitre du train. Donc elles sont gérées de la même manière que des voies et donc ne doivent normalement pas être enherbées. Dans la réalité du terrain, les espèces présentes sur les abords ont tendance à recoloniser ces pistes. Et c'est pourquoi il y a des essais similaires qui vont être réalisés sur les pistes avec de l'ensemencement. Notamment sur des pistes de lignes à grande vitesse à partir de cet automne pour limiter le développement de la végétation. Et à terme, l'ensemble des données récoltées permettront de déterminer la faisabilité de mise en œuvre industrielle du projet, que ce soit pour l'implantation ou la maintenance de ces couverts. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, les voies de chemin de fer seront toutes fleuries. Mais merci beaucoup Muriel Hemmig pour votre présentation. Merci également à mes deux invités qui sont venus nous parler, on l'espère avec la tête un peu froide, justement du glyphosate et de l'étude de sa dangerosité. On sera évidemment très attentif, Robert Barocchi, à ce compte-rendu de l'INSERM qui sera publié à l'automne et on en reparlera bien entendu lors de son rendu dans la méthode scientifique. Merci également à nos camarades de France Bleu Bourgogne pour le duplex à Dijon. Et puis un mot pour vous dire que le prochain forum, c'est dans 15 jours, mardi 19 février, le prochain forum France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, comme en chaque début d'année. Le thème, c'est participation, représentation, information, le nouvel âge de la politique. Nous nous demanderons si les algorithmes font plutôt du bien ou plutôt du mal à la démocratie. Comme d'habitude, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur maisondelaradio.fr ou franceculture.fr. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Emmanuel Morse d'Incan aujourd'hui, la technique. Demain, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, nous parlerons épidémiologie encore, avec le tout nouveau titulaire de la chaire Santé publique au Collège de France, Arnaud Fontamet. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.